Aujourd'hui, quand je retrouve mes forces, tu te livres à mon corps honteux. Aujourd'hui, alors que le printemps avance, asséchant ces ruisseaux imprévus, tu m'écris avec du sang que tu mets, que nous nous aimions sous une tempête, que nous n'avions nul besoin de promesses, que notre fidélité était une illusion. Mais maintenant notre amour est fini, mon bien-aimé. Avec ton silence devant le bureaucrate, pour qui je n'étais qu'une barbare créature avec autant de droits qu'un enfant ou une insensée. Et même si nous avons traversé les mers furieuses, dominées par des supérieurs chefs seigneurs, experts en certificats et en décrets, condamnés à savoir ou à feindre de savoir, pendant que tu poursuivais ta toison. J'ai sacrifié à ton indifférence ou à ton mépris, renaîtront dans tes veillées solitaires, pois endormis sur la peau étrangère que tu adorais. Au